Chapitre 21. La patience résignée du major et de sa famille avait d'autres causes que la douce humeur et le charmant caractère de ces excellentes gens. D'abord, le pays était beau et l'air excellent pour les enfants. Puis, dans sa dernière lettre, Sir Charles Temple avait donné plein pouvoir au major sur ses domestiques, sa maison, sa belle bibliothèque, ses bois, son parc et ses jardins, sur son gibier, sur ses armes. Enfin, il avait ordonné que l'on nettoyât et remeublât un petit pavillon de chasse situé dans la plus belle partie des bois et tout près du domaine de sa pupille, afin que les deux petits garçons pussent s'y reposer dans leurs promenades et leurs courses journalières. Il fallait connaître à fond le caractère de Sophie pour pouvoir bien apprécier la délicatesse des procédés du jeune et charmant baronnet. Aussi les Heathcote furent-ils profondément touchés de ses attentions. Et Mrs. Heathcote versa-t-elle des larmes de joie en pensant que ses chers enfants pourraient courir et s'amuser autour du belvédère de leur ami. Peu à peu, cette jolie pièce au milieu des bois devint le salon de la famille Heathcote. Le major en fit le centre de ses occupations, sa femme y accumula petit à petit ses nombreux paniers à ouvrage. Les enfants y apportèrent leurs jouets et leurs livres, et enfin, Florence y déposa le petit pupitre qui contenait le récit de sa vie depuis le jour où elle avait reçu de Sir Charles une lettre qui finissait ainsi. Que je vous serais reconnaissant si vous consentiez à garder un registre de tout ce que vous ferez, lirez et direz, je n'ose dire, penserez, des promenades que vous ferez, particulièrement quand vos petits pieds adorés se tourneront vers Temple, et des moments, courts sans doute mais bénis, où vos tendres pensées s'étendront jusqu'à l'homme qui vous idolâtre. Miss Martinthorpe était si occupée de son prochain bal qu'elle ne s'apercevait nullement de la désertion de ses hôtes. Cependant, elle ne négligeait pas de compter chaque jour combien ses convives affamés, disait-elle, lui dévoraient de viande, de beurre et de pain, et prêchaient l'économie tous les matins davantage. Les conseils de Mr. et Miss Brandonberry lui étaient bien précieux en cette occasion, car Mr. Richard lui avait affirmé qu'il était inutile de prendre 4 chevaux pour se rendre au bal de Hereford, ni plus de 2 valets pour l'y suivre. Les Harrison, les Pontefract, les Neville, les Templeton ne faisaient jamais autrement. Puis il lui avait remis un paquet contenant 6 billets que les commissaires du bal priaient Miss Martinthorpe d'accepter. Mais tous ces services n'étaient rien auprès de celui que Miss Brandonberry rendit, sans même s'en douter, à son amie, tout en causant un matin avec elle dans son petit salon de perses parsemées de bouquets élégamment jetés sur un fond souris clair. « Quel bonheur que vous soyez si bien en noir, chère Mrs. Martinthorpe, car en général le grand deuil est laid au bal. Cependant, on prétend qu'aucune couleur ne fait mieux ressortir les diamants. Et évidemment, vous mettrez tous vos diamants à Hereford, n'est-ce pas ?»« Lorsque je serai majeure, » répondit Sophie en rougissant beaucoup, « il me faudra certainement des bijoux. » Mais jusqu'à ce moment, je dois à la mémoire de mon cher oncle de ne pas acheter de diamants, ni autre chose du même genre. Acheter ? Grand Dieu, non, chère Miss Martinthorpe. Quand on a le bonheur de posséder d'aussi merveilleux diamants que ceux qu'avait autrefois Monsieur Thorpe, on n'a certes pas besoin d'en acheter. Sophie rougit et pâlit tour à tour, puis resta muette assez longtemps pour se remettre de son émotion. Était-il bien possible qu'elle eût des diamants ? Mais avait-il été enlevé avant son entrée en possession, et par qui? Le notaire? Le major? Sir Charles Temple? Mrs. Barnes? Qui sait? Et le cœur de l'avare battait à briser sa poitrine, car elle n'avait pas trouvé le moindre bijou dans sa maison. Cependant, elle se rappelait qu'en recevant les clés des coffres, armoires, portes et cabinets des mains de Mr. Wesley, celui-ci lui avait dit « Voici, madame, les clés des meubles contenant des valeurs de tout genre que je ne connais pas, mais dont vos tuteurs vous autorisent à prendre possession. » En recevant ces clés, Sophie avait fait ouvrir quelques cabinets qui donnaient dans la chambre qu'habitait Mr. Thorpe. Mais n'y ayant rien trouvé d'intéressant, elle les avait livrés, ainsi que 2 ou 3 autres qu'elle n'avait pas visités, aux ouvriers qui les avaient nettoyés en réparant son appartement. S'il y avait réellement des diamants, ils étaient dans ces cabinets. Aussi les dévorait-elle des yeux et brûlait-elle de voir partir ses nouveaux amis. Mais ceux-ci semblaient avoir pris racine dans leur fauteuil. Ne pouvant supporter un plus long martyre, Sophie se leva brusquement, et prétextant le désir de se promener un peu, elle voulut les accompagner immédiatement, afin de jouir plus longtemps, dit-elle, de leur aimable compagnie. Les 2 Brandonberry exprimèrent leur bonheur en des termes passionnés et flatteurs, qui, quoique ordinairement très doux aux oreilles de l'héritière, ne lui faisaient pas trouver le temps plus court en ce moment. Enfin, quand, tout en causant, Ils furent arrivés assez loin pour que Miss Brandenberry ne pensât pas à revenir au château avec elle. Miss Martinthorpe lui souhaita tout à coup le bonjour et voulut s'éloigner rapidement. Mais Mr. Brandenberry, se précipitant devant elle, s'écria avec un accent passionné qui toucha beaucoup son idole. Quand la terre, en s'ouvrant entre nous, mettrait un gouffre enflammé sous mes pieds, je le traverserai, même au prix de ma vie, plutôt que de vous laisser vous exposer toute seule dans ces lieux déserts. Oh, mais monsieur Brandenberry, il n'y a aucun danger pour moi dans mes propres bois. Grand Dieu, que dites-vous, trop cher Miss Thorpe? Il existe des dangers terribles que votre innocente pureté vous laisse ignorer. Non, je ne souffrirai pas que vous y retourniez seule. Quant à vous, ma sœur, vous voilà presque arrivée. Rentrez à la maison. En disant ces mots, le fougueux amoureux prit le bras de l'héritière et continua la route jusqu'au château en débitant de ces phrases calculées et véhémentes que Sophie entendait ordinairement avec plaisir, mais qui, ce jour-là, n'avaient pas le pouvoir de lui faire oublier même un instant l'étrange disparition des merveilleux diamants. Miss Martinthorpe comprenait fort bien que tout cela avait pour but un tête-à-tête dans son petit boudoir, mais bien décidée à ne pas prolonger son anxiété, l'avare s'arrêta résolument à la grille qui séparait le parc des jardins dessinés autour de la maison et dit assez gracieusement à son trop empressé voisin « Il faut maintenant nous séparer, monsieur Brandenberry. »« Le faut-il ?» répondit l'amoureux en la regardant d'un œil languissant. « Adieu, monsieur Richard. Nous nous reverrons demain, j'espère. » « Puissent les anges du ciel vous prendre sous leurs ailes. Mais au ciel, que vois-je » continua-t-il, tandis qu'il cherchait à ouvrir la grille. « D'aussi jolies petites mains doivent-elles toucher du fer? Permettez-moi de vous éviter cette peine. » Et en disant ces mots, il serra avec passion la main osseuse de Sophie, qui, perdant enfin patience, la retira brusquement. Ce mouvement décida le ci-devant jeune homme à quitter la place. Il jeta sur la riche héritière un dernier regard en murmurant d'une voix tendre « Charmant tyran !» Puis, reprenant à haute voix « Adieu, adieu !» Il s'enfuit à travers les bois avec toute la grâce et l'agilité d'un jeune homme de 18 ans.